101. Je mets en fait que si tous les hommes savaient ce qu'ils disent les uns des autres, il n'y aurait pas 4 amis dans le monde. 105. Qu'il est difficile de proposer une chose au jugement d'un autre sans corrompre son jugement par la manière de la lui proposer. Si on dit « je le trouve beau, je le trouve obscur » ou autre chose semblable, on entraîne l'imagination à ce jugement, ou on l'irrite, au contraire. Il vaut mieux ne rien dire. Et alors, il juge selon ce qu'il est, c'est-à-dire selon ce qu'il est alors, et selon ce que les autres circonstances, dont on n'est pas auteur, y auront mis. Mais au moins, on n'y aura rien mis. Si ce n'est que ce silence n'y fasse aussi son effet, selon le tour et l'interprétation qu'il sera en humeur de lui donner, ou selon qu'il le conjecturera des mouvements et airs du visage ou du ton de la voix, selon qu'il sera physionomiste. Tant il est difficile de ne point démonter un jugement de son assiette naturelle, ou plutôt, tant il en a peu de ferme et stable.